Et enfin, on a découvert au XXe siècle celui qu'on appelle l'homme de Tchédar, qu'on a pu reconstituer. La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La Grande-Bretagne face à l'Europe serait-elle la longue histoire d'un splendide isolement ? Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande, Grande-Bretagne, Royaume-Uni et pourquoi pas Albion ? Albion, Alba, blanc comme les falaises de Douvres. Ah, les Français y ont ajouté un adjectif perfide, perfide Albion, ça change tout. De la Britannia romaine au Brexit, les Britanniques sont-ils des Européens comme les autres ? Jean-François Douignac, bonjour. Bonjour. Au moment de parler de l'Europe, de continent, nous pouvons faire un tout petit peu de géographie. Il y a une spécificité avec le pays qui s'appelle aujourd'hui le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce Royaume-Uni, c'est l'île. Mais ce n'a pas été toujours le cas. La spécificité ne vaut pas sur le temps long, ce n'est pas immémoriel. Non, absolument. Sur le temps long, ce ne fut pas une île, en tout cas longtemps ce ne fut pas une île, puisqu'il faut attendre toute une série d'accidents géologiques vers moins 130 000 avant Jésus-Christ pour que déjà une première séparation se produise, à peine 20 000 ans, et puis une glaciation fait baisser le niveau des mers, et à nouveau cette presqu'île de l'Europe. L'Europe, c'est 46% de péninsule, pardon, et donc cette péninsule, en réalité, est à nouveau liée au continent jusqu'à à peu près moins 7 000 avant Jésus-Christ. On pourrait dire, oh là là, mais tout cela est lointain. Mais non, parce que dans une longue histoire, eh bien, les échanges étaient là, le peuplement de ce qui est aujourd'hui cette île correspond à l'histoire du peuplement du reste du continent. Absolument, on peut retenir quatre dates. Les premières traces humaines, on les trouve en Angleterre, elles remontent à moins 900 000. Le premier os humain, c'est un tibia, l'homme de, ou la femme, on ne sait pas, de Boxgrove, c'est moins 500 000. On trouve l'un des plus vieux squelettes d'un Homo sapiens, peut-être moins 44 000. Et enfin, on a découvert au XXe siècle celui qu'on appelle l'homme de Tchédar, qu'on a pu reconstituer il y a maintenant 4 ans. Il est d'ailleurs assez étonnant, puisque ce que l'Imperial College a réussi à reconstituer, c'est un homme d'1m66 qui est noir de peau, qui a les yeux bleus, il a les cheveux crépus, et il est intolérant au lactose. Ah, c'est intéressant à savoir. Dans une cave de Tchédar, en effet. Il y a ce paradoxe, Jean-François Douignac, sur cette histoire qui nous intéresse. Parce que le problème que nous nous posons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est cette relation qu'entretient le Royaume-Uni avec le continent. La Manche se met en place, voilà, nous avons une mer qui sépare. Mais là encore, la notion même de mer ne signifie pas frontière, rupture, peut-être même au contraire. Non, absolument. Partons déjà de la Manche telle qu'elle est. En réalité, la Manche, plus qu'une séparation, c'est aussi une autoroute de circulation. On a pu trouver, par exemple, du côté de Douvres, un célèbre désormais bateau de près de 20 mètres de long qui devait transporter des lingots métalliques de part et d'autre. On est vers moins 5000 avant Jésus-Christ. On est là clairement dans une logique d'échange entre le continent désormais, et l'île. Avec ce matériau sublime, ce métal, l'étain, essentiel l'étain, il y en a plein tout là-haut vers le nord. Vers le nord et en Cornouailles, absolument, tout à fait. Et c'est d'ailleurs cette richesse qui va attirer d'autres convoitises, qu'elles soient celtes et puis particulièrement bien sûr romaines. Et oui, parce que les Romains sont de la partie. Dites-nous, Jean-François Dugnac, quand on regarde cette histoire, nous avons ce mot qui apparaît, Bretagne. Effectivement, les aventures d'Astérix ont fait beaucoup pour nous permettre de connaître qui sont les Bretons. Du point de vue romain, il y a une spécificité justement à ces territoires lointains, ou alors est-ce considéré comme ces autres territoires, la Gaule, la Germanie, etc., qu'il suffit de civiliser, de romaniser? Alors, la conquête romaine de la Bretagne, Britannia plus tard, puisque ce sont les Romains qui vont forger à partir du terme grec, le terme de Britannia, en réalité, c'est dans le même mouvement de la conquête, en réalité, de la Gaule et de la Belgique. D'ailleurs, au tournant du 1er siècle avant Jésus-Christ, le sud de l'île avait été envahi non pas par les Romains, mais par des tribus belges. Les premiers à envahir le sud de l'Angleterre, c'était les Belges. Puis les Romains arrivent donc, en réalité, parce que l'île servait de support et même de refuge à toute une série de tribus gauloises qui se réfugiaient face à l'avancée romaine. Donc en réalité, on est allé conquérir des Gaulois insulaires à partir de moins 50 avant Jésus-Christ. Et dans cette histoire, nous parlons du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, un peu comme d'un tout comme une île. Mais non, il y a tant de spécificités, il faut le dire, ce mot-là. Sabrina Juillet-Garzon, bonjour. Bonjour. Dans cette spécificité, il y a l'Écosse. Même du temps de la conquête romaine, l'Écosse reste encore ce territoire invaincu, peut-être plus que le petit village d'Astérix le Gaulois. Tout à fait, avec les Pictes, ces gens peinturlurés qui font peur aux Romains et qui les forcent à construire deux murs, soi-disant pour les éloigner, le mur d'Antonin, le mur d'Adrien. Mais en réalité, les Romains sont montés très très haut. Ils sont montés jusqu'à Elgin, près du Loch Ness. Ils ont essayé de rester là-bas, mais certaines fouilles près d'Elgin ont montré qu'ils étaient partis précipitamment. Donc, ils ont vraiment eu peur de ces Pictes, de ces Écossais qui étaient bien déterminés à garder leur territoire, apparemment. Non, mais c'est très intéressant d'imaginer comment aujourd'hui les fractures que nous voyons dans l'actualité entre l'Angleterre et l'Écosse s'inscrivent dans une très très longue histoire. Jean-François Dugnac, cette histoire-là, bien sûr, il ne faudrait pas créer des raccourcis un tout petit peu trop rapides et dire que les Écossais ont toujours été des résistants à une influence venue du Sud. Mais il y a quand même un lien qui est intéressant, ne serait-ce que dans la construction de l'identité nationale. Absolument. C'est vrai que la limite de la romanisation, les deux murs, effectivement, vont dessiner une forme de géographie. Alors, il y avait déjà une géographie, j'allais dire des tribus, mais également une géographie politique, en fait, à terme, en tout cas dans un premier temps. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mur, en réalité, n'est pas étanche. C'était ce qu'on appelait l'imes, c'est-à-dire qu'il y avait des emporiums, il y avait des espaces de circulation, en fait, entre les tribus écossaises et le nord, le nord de l'Angleterre, romaine en réalité. Donc il y a énormément d'échanges aussi, alors parfois des invasions, on pourra en parler, mais pendant la Pax Romana, il y a toute une circulation en fait de denrées et de personnes. Dans tous les cas, le commerce continue. Nous le voyons bien, même dans ces temps toujours de tension. Dites-nous, Sabrina Juillet-Garzon, aujourd'hui d'ailleurs, dans l'identité écossaise, ce mur d'Adrien, au-delà d'être un vestige absolument merveilleux, le voir, c'est toujours quelque chose d'émouvant. Est-ce que cette spécificité reste présente ? Les Écossais aiment entretenir une spécificité, c'est certain, traditionnelle, culturelle, tournée autour de stéréotypes. Les kilts, la cornemuse, tout un tas de stéréotypes qui finalement sont assez récents. Ils datent du 19e siècle. Walter Scott, c'est le Scott Land qui reste encore aujourd'hui dans l'imaginaire autour de l'Écosse. Il est vrai que quand on va dans ce pays, on s'attend en tant qu'étranger à cocher finalement les cases du guide touristique, de l'homme en kilt, du tartan sur tous les vêtements, de la musique spéciale, de la cornemuse à chaque coin de rue. Oui, ils aiment entretenir ça. Pour autant, ce n'est pas véritablement l'Écosse de tous les jours. Méfions-nous de cette image. Déjà, hein, c'est vrai, ce n'est pas l'Écosse de tous les jours. Vous avez raison de rappeler combien tout cela est une création très récente, 19e siècle, création des identités nationales partout en Écosse. Notamment, ce sont nos représentations d'aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, en réfléchissant à la Grande-Bretagne et à l'Europe, c'est justement comment s'est construite cette longue histoire, cette longue relation. Jean-François Dugnac, l'on peut dire que le Royaume-Uni actuel, ces territoires qui sont sur cette île, alors parce qu'il n'y a pas que l'Angleterre, il y a d'autres royaumes, il y a enfin l'Écosse justement. Eh bien, est-ce que ces territoires sont logiquement intégrés à l'Europe si nous nous plaçons de ce temps de la romanité et puis sur cette antiquité tardive et les débuts du Moyen Âge. Tout ça, c'est logiquement ce même monde. Oui, il y a une circulation absolument intense entre une nouvelle fois l'île et le continent. C'est-à-dire que ça n'est plus qu'une difficulté. Enfin, la Manche n'est qu'une, une petite contrariété de circulation. Mais la réalité, c'est en fait des échanges de population absolument massifs en réalité. Pour donner une idée, quand on regarde le fond génétique, une étude qui a été conduite il y a 4 ans par l'université d'Oxford sur le fond génétique des populations anglaises. Pour faire un anglais, vous prenez 45% de français, vous prenez 20 à 25% de germains. Et vous avez déjà à peu près 2/3 de la constitution, et toutes ces populations sont arrivées avant 1066, c'est-à-dire avant la fameuse invasion normande. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une circulation d'hommes, un continuum de circulation d'hommes et d'échanges et de mélanges en réalité depuis la plus haute préhistoire. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment cette uniformité de l'Ouest de l'Europe sur cet aspect urbain. Parce que c'est une civilisation urbaine, hein, c'est bien ça. Les institutions, mais dans cette histoire, il est certain qu'à un moment, arrivent des gens du Nord. Écoutons le fier viking, Roland, roi de la mer. Dans la vaste forêt de Touques, qui s'étendait alors jusqu'aux rives de cette mer qui sépare l'empire des Francs du pays des Anglais, s'élevait un puissant château fort. La nuit était close depuis longtemps, le vent soufflait, furieux, de temps en temps des rafales d'eau s'abattaient sur la forêt. Dans la chambre haute d'une des tours du château, auprès d'un grand feu de bois, assis dans un fauteuil de pierre, veillait, malgré l'heure tardive, un vieillard à la barbe blanche qui avait près de 100 ans. Mais qui eût pu reconnaître en ce vieillard Roland, premier duc de Normandie, le fier viking, qui 60 ans plus tôt avait ravagé ce pays qu'il avait gouverné ensuite en maître légitime. C'est Jean-Laurent Cochet qui lisait un extrait de l'ouvrage « Roland, le fier viking » de Charles de Quinel. C'était en 1968. Jean-François Dugnac, l'arrivée de ces hommes du Nord, parmi lesquels il y a ces conquérants, c'est ceux qui sont chargés d'explorer et de commercer, et puis parfois de piller un peu, les vikings, ça bouleverse complètement cette histoire. Ou alors peut-on dire que l'Angleterre, pour prendre un territoire, eh bien, ce territoire vit la même chose que vivent les autres sur le continent. Alors, je vais un peu vous décevoir. Dites-moi. Mais la fameuse étude génétique dont je vous ai parlé ne trouve aucune trace du fond nordique. Aïe. C'est-à-dire que malgré, effectivement, alors on écorne évidemment le grand mythe, hein, le fameux film de Richard Fleischer, Les Vikings 1958 avec Tony Curtis, etc. Il faut oublier. En réalité, il y a eu une présence, effectivement, il y a eu un royaume, mais le fond humain, en réalité, alors il y a des toponymes qui sont directement hérités du fond viking. Une partie pendant un temps en tout cas des règlements juridiques, notamment de propriété, dans le nord de l'Angleterre, celui qui est conquis, on va dire contrôlé. Mais la réalité humaine, le fond, est à peu près inexistant. En revanche, effectivement, on parle de l'Angleterre, la terre des Angles. Les Angles sont en fait des Germains qui, eux, ont bougé après la disparition, le départ, on va dire, des Romains, à partir du 5e siècle. Et là, on a trouvé, effectivement, des sites de villages le long des côtes de la mer du Nord, en Hollande ou en Allemagne, effectivement, deux villages complètement abandonnés par des populations allemandes qui vraisemblablement ont traversé la mer du Nord pour aller se louer vraisemblablement comme mercenaires pour le compte des populations anglaises abandonnées. Et en fait, d'anglaises, ce sont les Angles germains qui vont donner leur nom à la terre d'Angleterre. C'est un nom allemand. Et avec d'autres Germains, les Saxons, ont laissé une petite trace au centre de l'Allemagne avec la Saxe, mais qui ont continué leur route et qui sont arrivés si loin là-haut, dans cette île, comme chez nous on avait les Francs, les Alamans en Exactement. Allemagne. C'est tout simple. Donc c'est-à-dire que, toujours dans cette recherche de spécificité de cette île très particulière, Jean-François Duniac, ces mouvements de population ne montrent pas une spécificité encore. C'est la même histoire. Non, c'est le bon vieux fond européen du Nord-Ouest, j'allais dire, avec des circulations et des mélanges d'hommes. Mais en 1066, les Normands qui se sont installés en France, en Normandie, avec Roland, dont on entendait parler il y a quelques instants, décident de traverser la Manche et d'envahir l'Angleterre. Alors là, sommes-nous dans une rupture, j'ai envie de dire au contraire, puisque ce sont des gens installés sur le territoire qui correspond à la France aujourd'hui, la Normandie, qui veulent en fait faire une union avec ces territoires de... Alors là, oui, effectivement, il y a une authentique rupture, effectivement, avec une authentique invasion et une prise de contrôle de la population. D'ailleurs, même entre 1069 et le début des années 1070, la dévastation du nord de l'Angleterre, hein, notamment par les conquérants normands, et surtout, bon, l'installation, effectivement, du régime féodal. On va même parler d'encagement des populations. Il faut quand même bien dire que les Saxons qui sont censément conquis par les Normands, comme je le disais, étaient pour moitié français d'origine, à 45% en tout cas, c'est clair. Et puis surtout, ils pratiquaient encore l'esclavage. Donc les libertés saxonnes, là encore, sont une vue de l'esprit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que 1066 marque effectivement un tournant. C'est un tournant, et dès lors, pouvons-nous chercher des traces de la volonté de se différencier du reste du continent, ou peut-être, toujours dans une volonté de s'assimilation, des repères communs que l'on développera particulièrement? En réalité, pas vraiment, puisqu'on a affaire désormais à une monarchie amphibie, j'allais dire, pour moitié insulaire, avec une dimension extrêmement importante, c'est que l'île est quand même riche, et puis surtout, elle permet de détenir le titre de roi. Ce qui, dans la cour des grands et des, bien sûr des souverains d'Europe, est tout à fait déterminant. Mais les souverains les Normands, en réalité, Guillaume le Conquérant passe à peine un quart de son règne en Angleterre. Il est tout occupé aux affaires françaises, en réalité, et à la lutte et à la rivalité, notamment contre le Capétien. Oui, parce que c'est ça le vrai souci, c'est que ce territoire là-haut, c'est pas pratique pour donner des cadeaux à tous ses vassaux. Il y a un tropisme continental avec des familles nobles d'ailleurs qui vont être là encore transmanche, ayant des fiefs. Et d'ailleurs même les cadets de l'Église vont avoir chacun des fiefs de part et d'autre de la Manche. Sabrina Juillet-Garzon, qu'en est-il de l'Écosse après l'invasion de l'Angleterre par les Normands en 1066? Alors, Guillaume le Conquérant envoie ses vassaux jusqu'en Écosse. Il le fera aussi jusqu'à l'Irlande et s'installeront dans le sud de l'Écosse, hein, plus particulièrement dans les Lowlands, les basses terres, des seigneurs comme les Balliol, les De Bruce, qui deviendront des chefs de clans. Vous savez qu'il y a les Highlands, hein, les hautes terres et les basses terres, avec des clans très fortement installés et... Mais ces seigneurs arrivent à s'intégrer à ces clans et à prendre du pouvoir jusqu'à même devenir roi d'Écosse. Pour les Balliol, les De Bruce que j'ai cités, entre autres, et les Stuart, hein, qui étaient leurs serviteurs. Et comme ça, au fil des ans, et de leur soutien depuis la France. Parce que eux ont maintenu, tout comme les seigneurs en Angleterre, des liens très très forts avec les seigneuries françaises. Oui, c'est vraiment ça, cette histoire qui nous intéresse. C'est une histoire, en fait, jusqu'alors, je vous écoute, c'est plutôt une histoire de lien que de volonté de séparation. C'est bien ça, Jean-François Duniac. Absolument, absolument. Ouais. Et puis, dans cette histoire-là, nous allons continuer à réfléchir en traversant les siècles. Parce que il n'est pas possible de comprendre l'histoire à un moment donné. On pourrait le faire, c'est absolument sensationnel. Mais pour s'inscrire dans un temps long, ce temps long est nécessaire pour saisir cette relation intense qui nous unit avec la Grande-Bretagne. Gentlemen, excusez-moi, je vous avais écouté. Vous avez parlé de Mackintosh et Peter, n'est-ce pas? Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi, je cherche un ami qui s'est perdu dans le brouillard. France Culture. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard? Il a des grandes moustaches. Big moustache. Oui, je suis Big Moustache. J'étais Big Moustache. I had to cut it off. Trop dangereux. Too English. Trop anglais. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Suivez-moi. Voilà, la grande vadrouille, évidemment. Jean-François Duniac, je peux vous poser la question de manière inversée. Alors, à partir de quel moment peut-on saisir dans l'histoire de cette île la volonté de se différencier nettement du continent ? Alors, il est certain que déjà la guerre de Cent Ans, alors on pourrait dire la deuxième guerre de Cent Ans, puisqu'il y en a déjà eu une en réalité qui a opposé une forme de guerre féodale entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle, les souverains anglais à leurs rivaux français. La grande guerre de Cent Ans, entre 1337 et 1453, constitue déjà un premier élément un moment de cristallisation d'une identité anglaise, hein, très clairement. C'est le moment où l'on voit par exemple les souverains commençaient à prêter serment par exemple en anglais, utiliser l'anglais parce que jusqu'alors ils parlent français en réalité, les traités sont français, le fameux Richard Cœur de Lion fait de la poésie en français en réalité, il meurt en France lors d'un siège devant justement l'un de ses féodaux devenu félon, il est d'ailleurs dispersé si je puis me permettre façon puce dans trois endroits différents en France entre Fontevraud, Rouen et Chalut, donc on a vraiment affaire à des souverains qui sont encore français. Donc déjà à la guerre de Cent Ans, et puis un premier rétrécissement, c'est vrai, au moment de la guerre des Deux Roses et du début du XVIe siècle. Mais il faut attendre en fait la fin du XVIe siècle pour commencer à voir une volonté de distinction. C'est très intéressant de saisir cette histoire-là, parce que nous comprenons dès lors comment, eh bien, sur les armes du Royaume-Uni aujourd'hui, il y a toujours ces clins d'œil à cette histoire française. Ce n'est pas simplement une revendication liée à un désir de devenir roi ou reine de France, c'est pas du tout ça, c'est juste cette histoire de lien intense qui unit l'île au continent. C'était leur langue, Dieu est mon droit, bien sûr, hein, les fameux blasons, etc., sont effectivement en français parce que c'est leur langue. C'est leur langue tout simplement, et d'ailleurs dans la langue elle-même anglaise, oui. Il reste cette trace, il suffit de faire de l'archéologie linguistique. Tout à fait, ça a été fait. L'anglais, c'est grosso modo une langue germanique dans le fonctionnement, mais avec jusqu'à 2/3 du vocabulaire qui est tiré du français et du latin. En réalité, il y a 20% d'allemand et puis le reste s'éparpille. Donc c'est voilà, il y a même eu une théorie dans à la fin des années 70, 1970, j'entends, sur la créolisation de l'anglais en réalité, l'anglais aurait été un créole européen, si vous voulez, tiré du français. Voilà, donc ça veut bien dire que à ce moment-là, eh bien ceux qui parlaient anglais étaient complètement intégrés en Europe, mais au moment d'évoquer cette immense île, nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas d'un tout, il y a l'Angleterre, bien sûr, mais aussi l'Écosse. L'illustre prince Jean, roi d'Écosse, notre spécial ami, soucieux avec prudence de l'utilité et des besoins de son royaume, nous a envoyé ses ambassadeurs et procureurs afin de conclure avec nous un traité formel de confédération et d'amitié. Donc nous, approuvant pleinement ce souhait louable du dit roi, et partageant son désir de voir notre amitié et confédération étroitement nouée pour l'avenir sous les meilleurs auspices, avons convenu et accordé que le prince Édouard, fils aîné du dit roi d'Écosse et son héritier, épousera Jeanne, fille aînée de notre dit frère Charles. De même, le dit roi d'Écosse, en prince juste et pacifique, mû par sa sincère amitié pour nous, notre royaume et notre peuple, considérant les graves injures, énormes excès, attaques injustifiées et agressions iniques que le roi d'Angleterre, en violation de son serment de fidélité, commet chaque jour contre nous et nos sujets, promet expressément que, dans la présente guerre que nous menons contre le dit roi d'Angleterre et ses complices, il mettra à notre disposition et à celle de nos successeurs, si cette guerre se prolonge jusqu'à leur règne, toutes les forces de son royaume, tant de terre que de mer, afin de nous aider ouvertement et publiquement en Angleterre. Merci Vanda Bénès d'avoir lu ce traité d'octobre 1295 entre Philippe le Bel, roi de France, et John Bayol, roi d'Écosse. Sabrina Juillet-Garzon, dans cette histoire, nous sommes sur des jeux d'alliance comme une évidence, et là nous saisissons combien le lien avec le continent est important sur l'île elle-même, parce que pour l'Écosse, il y a besoin de soutien face à l'ennemi anglais. Tout à fait, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et c'est vraiment ce qui se passe pour l'Écosse et la France. Alors Jean Balliol fait alliance avec Philippe le Bel, en effet, il en naît un mariage, il en naîtra beaucoup d'autres. C'est vraiment ce traité que l'on appelle la vieille alliance et source d'accords matrimoniaux, mais aussi d'entraide. Et cette alliance a permis d'éviter beaucoup de guerres jusqu'au XVIIe siècle. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Mais en effet, cette alliance qui est d'abord militaire est un vrai soutien de la France et de l'Écosse contre l'Angleterre, leur ennemi commun. Oui, c'est cette notion d'ennemi commun qui est intéressante, mais qui intègre complètement l'Angleterre dans cette histoire-là. Et vous avez évoqué les alliances, les mariages. Là aussi, nous ne sommes pas dans une diplomatie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et les alliances sont essentielles dans cette histoire-là. Jean-François Duniac, ces mondes que nous évoquons, tant écossais qu'anglais, sont complètement fondus avec ceux qui sont au pouvoir un peu partout en Europe. Absolument, absolument. Il y a des logiques de mariage, tant français que norvégien, par exemple, pour les Écossais. On a affaire à un royaume, une monarchie européenne, j'allais dire, comme les autres, au Moyen-Âge. C'est tout ce fonctionnement qui est intéressant, mais tel que nous l'entendons ici, il y a, par exemple, dans le cas de l'Écosse, cette opposition à l'Angleterre. Mais cette opposition n'est pas différente que celle que l'on va retrouver ailleurs, partout en Europe. C'est ce même fonctionnement de rivalité entre des souverains locaux. Tout à fait, on le verra par la suite avec les Habsbourg, avec les pays scandinaves. Tout à fait, on est sur le même modèle, il n'y a pas de différence pour le coup du tout. C'est inquiétant de pas trouver ce moment précis de la volonté de distinction. Vous nous avez dit, Jean-François Duniac, qu'il faut attendre le XVIe siècle. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce XVIe siècle est un moment de rupture? Alors, de rupture, en tout cas d'évolution. Il est certain que après la défaite lors de la guerre de Cent Ans, il ne reste sur le continent comme possession de l'Angleterre que Calais. Calais qui sera perdu en 1558, l'année d'ailleurs où la jeune reine Élisabeth première va monter sur le trône. On a donc première chose, c'est donc une monarchie qui est en train de s'insulariser territorialement. Mais on va le voir, il y aura toujours des possessions en réalité européennes, il y aura toujours un tropisme européen. Henri VIII n'aura de cesse, là encore, de faire valoir ses droits à la couronne de France notamment, et se lancera dans une série d'expéditions sur le continent qui seront toutes d'ailleurs des échecs. Mais clairement, l'Angleterre ne possède plus que Calais comme porte d'entrée. Ça a été volontaire d'ailleurs. C'est à cause des échanges économiques, parce qu'il faut aussi évoquer l'économie, avec les Flandres, notamment les échanges de laine, de textiles qui sont particulièrement importants, et on ne voulait pas déstabiliser à la fois ni les Flandres d'ailleurs, ni économiquement en tout cas l'Angleterre. Donc là voilà un point important. Il y a bien sûr la réforme sous Henri VIII, qui est un point important. Sous Henri VIII également, dans le cadre de l'insularisation, il y a la captation du pays de Galles par une série en fait d'édits entre 1536 et 1543 qui arriment finalement le pays de Galles à l'Angleterre. Henri VIII qui d'ailleurs là aussi pousse, essaye de pousser un peu vers l'Écosse et surtout beaucoup vers l'Irlande. Donc il y a déjà une forme de, vous voyez, le regard se tourne de plus en plus vers les îles. Mais j'évoquais Élisabeth Ier. Élisabeth Ier elle aussi aura toujours à cœur d'essayer de remettre un pied sur le continent, même si lorsqu'elle monte sur le trône, comme je l'ai dit, pour la première fois, l'Angleterre, entre guillemets, est une île, en tout cas un bout d'île. Il n'y a plus de possession sur le continent. Oui, ce qui rompt complètement tel que nous l'imaginons cette histoire, parce que dès lors, ça y est, nous avons cette histoire insulaire en fait qui nous intéresse tant. Mais cette histoire insulaire, elle serait beaucoup trop facile à lire si elle était évidente. Vous nous dites, Jean-François Duniac, qu'il y a toujours cette volonté d'aller sur le continent. Oui. Il y a, je veux pas dire double jeu parce que ce serait encore une fois trop simple, mais il y a la construction de cet État insulaire, avec la volonté d'englober peu à peu l'Écosse, mais dans le même temps, toujours cette longue histoire de regarder vers le continent. Absolument, une série de dates, enfin très rapidement, 1558 perte de Calais, 1658 prise de Dunkerque. Dunkerque va être anglaise pendant 4 ans. Dunkerque était une possession espagnole. Et à la fin de la guerre franco-espagnole, justement, les Français, en fait, et les Anglais se saisissent de Dunkerque avec ce célèbre dicton Dunkerque espagnole le matin, française le midi et anglaise le soir. Et entre 1658 et 1662, date à laquelle Louis XIV rachète Dunkerque, eh bien Dunkerque est la nouvelle porte d'entrée des Anglais sur le continent. Et puis 1704, conquête de Gibraltar, et jusqu'à présent encore, Gibraltar est une possession relevant de la couronne. Ils ont toujours eu un pied sur le continent, jusqu'à d'ailleurs l'accession au trône de la monarchie des Hanovres, dont les possessions patrimoniales étaient allemandes. Et précisément, pendant tout le XVIIIe siècle, ce sera une véritable question politique pour la classe politique anglaise. Que faire de ces possessions? Est-on impliqué dans les affaires européennes ou doit-on désormais se consacrer à l'Empire, puisque un empire est en train de se dessiner? Voilà, et donc dans cette histoire, l'Empire qui est en train de se dessiner peu à peu, c'est là où on sent que la spécificité, ça y est là, parce que pour être à la tête d'un empire, eh bien, il faut avoir une forte identité. Pour nous, c'est l'occasion d'aller faire un petit voyage de l'autre côté de la Manche et d'aller en Angleterre. Quand arrive l'été, on part gaiement en vacances. On s'en va visiter les plus jolis coins de France. On séjourne à l'hôtel, mais chaque jour on rayonne. On se promène et l'on excursionne. Comme plaisir, il n'y a rien de tel. À vous qui partez, par Mons et par Vaux, si vous désirez voir du nouveau. Allez donc en Angleterre, pour quelques jours c'est charmant. La vie là-bas n'est pas chère. Le climat est excellent. Allez visiter les plages où rayonne le soleil. Allons faire le voyage, il n'en est point de pareil. On peut partir faire tous les jours un court séjour en prenant des billets à lire tour de 10 séjours. Allez donc en Angleterre, Boulogne, Dunkerque ou Calais. Vous minerons, vous distraire chez nos amis les Anglais. Les musiciens Anglais durant leur séjour en France ont eu bien des succès grâce à leur belle présence. En passant à Paris, ils ont fait des conquêtes. Mais pour ne pas qu'on les regrette, une fois dans leur beau pays, aux belles parisiennes, avec empressement, ils ont écrit comme remerciement. Allez donc en Angleterre, pour quelques jours c'est charmant. La vie là-bas n'est pas chère, vous vous y plairez vraiment. N'apprenez pas ma divine l'anglais si vous l'ignorez, car dans vos yeux on devine tout ce que vous désirez. On peut partir faire tous les jours un court séjour en prenant des billets à lire tour de 10 séjours. Allez donc en Angleterre, Boulogne, Dunkerque ou Calais. Vous mènerons vous distraire chez vos amis les Anglais. Au beau jeu de tennis, nos as furent de la vaillance. Pourtant la Coupe Davis a dû s'en aller de France. Mais si nos grands champions pour un temps l'abandonnent, c'est pour aller à Wimbledon et faire une belle excursion. Faites tous comme eux, usez du confort que vous offrent les chemins de fer du Nord. Allez donc en Angleterre, pour quelques jours c'est charmant. La vie là-bas n'est pas chère et c'est un enchantement. Vous garderez du voyage un souvenir sans pareil. À vos amis, je le gage, vous donnerez ce conseil. Partez faire n'importe quel jour un court séjour en prenant des billets à lire tour de 10 séjours. Allez donc en Angleterre, Boulogne, Dunkerque ou Calais. Vous mènerons, vous distraire chez nos amis les Anglais. Allez donc en Angleterre, Robert D'Arthez, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. Grande-Bretagne, l'histoire d'un splendide isolement? Eh bien non, parce que dans la longue histoire, la Grande-Bretagne, cette île en tout cas, n'est pas isolée. Cette notion de splendide isolement, quelle est-elle, Sabrina Juillet-Garzon? Qu'est-ce que cela veut dire? Que se passe-t-il au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle? Pendant longtemps, on a cru que, en effet, l'île britannique était isolée. Les historiens ont pensé cela et il s'avère que pas du tout, pas du tout. Et lorsque l'on parle du XVIe, XVIIe siècle, voire aussi le XVIIIe siècle, on se rend compte que l'Angleterre et l'Écosse étaient, nous l'avons bien prouvé jusque-là, était véritablement lié à tout ce qui se passait sur le continent avec les mêmes crises, les mêmes volontés et les mêmes réseaux. de XVIe siècle, avec sa réforme, a montré le besoin des communautés naissantes protestantes de se soutenir mutuellement. Avec le retour au catholicisme sous Marie Ière, il y a eu énormément d'émigrés vers le continent, vers la Hollande, vers la France, dans l'Aïde. Bordeaux ont été des lieux d'accueil des calvinistes. Avec le retour d'Élisabeth, avec l'accession d'Élisabeth au trône, il y a eu un retour de ces calvinistes, désormais assez virulents, sur l'île. Pas que en Angleterre d'ailleurs, ils sont revenus aussi en Écosse. Ils sont fondateurs de ce mouvement que l'on appellera le puritanisme à partir des années 1560-70. Les crises qu'il y a sur le continent, on les retrouve facilement, aisément, sur l'île britannique. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à l'oublier, on a tendance à vouloir vraiment séparer les choses. Et c'est encore plus vrai au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle a commencé avec l'accession du roi Jacques VI d'Écosse comme roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. La succession s'est faite de manière extrêmement paisible. Ce n'est pas le coup du hasard. Il y a eu énormément de soutien de la part des pays scandinaves, mais surtout de la France. Henri IV a tout fait pour que le futur roi d'Angleterre soit du côté, peut-être pas des protestants, parce qu'Henri IV avait évolué là-dessus, mais il pensait que ce nouveau roi d'Angleterre, qui était aussi roi protestant d'Écosse, pourrait l'aider à ramener la paix religieuse sur le continent. A commencé la guerre de 30 ans, qui finalement est le résultat de la prise de pouvoir en Bohême de Frédéric V, qui n'est autre que le mari de Elizabeth Stuart, la fille du roi Jacques. Alors ils partent en Bohême, on les met en garde, ce sont des protestants en terre catholique, c'est l'explosion évidemment qui va mener le continent entier et la Grande-Bretagne inclus dans un conflit qui va durer donc 3 décennies. Les choses vont mal sur le continent, on le ressent sur l'île. Les souverains consécutifs, donc le roi Jacques VI et Ier, et après lui Charles Ier, essayent de calmer les choses sur le continent. Charles Ier, avant même de devenir roi, part pour Madrid, part pour l'Espagne, soi-disant pour quérir sa promise, mais aussi pour porter la voix pacifiste et pacifique de son père. On tente de convaincre les Espagnols de calmer le conflit. L'Écosse prend une part énorme dans ce projet, là aussi, c'est souvent oublié, mais c'est parce que le roi a du sang écossais, enfin le futur, Jacques VI est premier, mais le futur roi, le prince de Galles, Charles, a du sang écossais, qu'on les écoute beaucoup plus. On n'hésite pas à leur rappeler que c'est le sang de Marie Stuart qui courent dans leurs veines. C'est le sang de Marie Stuart, la martyre catholique, qui est bien là. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que le prince Charles est à Madrid. Il est peut-être là aussi pour se convertir. Cela porte confusion. Cela inquiète beaucoup les Britanniques. Et je dis bien Britanniques parce que ce sont les sujets du roi Jacques, tous réunis en la personne du roi aux deux couronnes. Le conflit européen, à ce moment-là, peut tout à fait dans l'esprit des gens, être arrêté grâce à la Grande-Bretagne. Oui, parce que ce qui se passe, vous nous dites, en Europe, a des répercussions en Grande-Bretagne, bien sûr, et inversement, ces deux histoires sont intimement mêlées. Mais Jean-François Duniac, bien, la logique serait de réussir à s'isoler pour ne plus être sous l'influence de tous ces tourments européens. C'est à peu près impossible. On est trop imbriqué, à la fois politiquement, économiquement, religieusement, en réalité. Et c'est vrai qu'on va trouver avec la constitution de l'Empire une forme de voie de, j'allais dire, non pas de sortie en réalité, mais un autre projet hein, qui se constitue, mais très tardivement. La première véritable installation, en tout cas pérenne, du futur empire anglais puis britannique, c'est 1607 seulement, hein, en Virginie. Donc c'est très très tard. tardif, une nouvelle fois, et ça correspond aux troubles qui ont été décrits, les troubles du XVIIe siècle. Et effectivement, au cours du XVIIe siècle, notamment les troubles religieux et la persécution, notamment anti-puritaine, va initier un mouvement d'éviction de près de 80 000 puritains, justement, dans les années 1620 à 1640, dont 20 000 seulement, un quart, vont partir, effectivement, vers la baie du Massachusetts. C'est commencé la grande saga, j'allais dire, des colonies américaines de l'Angleterre. Cette histoire-là, celle qui conduit au loin et qui permet la constitution d'un empire, est un élément où la Grande-Bretagne s'isole un peu du continent. L'Europe est moins intéressante quand on regarde vers l'Amérique. Alors, en fait, d'isolement, une nouvelle fois, l'Empire pourquoi ? L'Empire pour faire du commerce. Du commerce avec qui ? Pas avec les Indiens d'Amérique. Avec la France, avec l'Espagne, avec l'Europe. Pour donner une idée de la bascule, en 1680, en valeur, 80% de l'activité du port de Londres tourne autour de denrées européennes. En 1780, un siècle plus tard, 80% en valeur de l'activité du port de Londres tourne autour de denrées qui sont extra-européennes. Mais ce thé, on le vend aux Français, aux Hollandais, à tous les Européens. Il y a là, vous voyez, l'Empire, c'est l'ailleurs, mais l'ailleurs pour les considérations domestiques qui sont des considérations à la fois certes insulaires, mais également continentales européennes. Ouais, c'est ça qui est très intéressant, hein. C'est ce jeu comme ça à plusieurs bandes d'ailleurs, et puis avec toujours ce regard que nous pouvons porter sur l'île elle-même, parce qu'il y a ce vocabulaire que nous utilisons, mais avec précaution depuis le début de l'émission, parce qu'il y a l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande aussi, c'est pas la même île, mais enfin elle est là, et dans cette histoire, le vocabulaire que nous employons est extrêmement précis parce qu'il est juridique. À partir de quand peut-on parler de Grande-Bretagne ? Alors, 1603. 24 mars 1603, Élisabeth Ière décède et c'est son cousin, le fils de Marie Stuart, Jacques VI d'Écosse, qui lui succède sous le nom de Jacques Ier. Il a un rêve, le roi Jacques. Il veut la Grande-Bretagne, ce royaume qui serait uni entre ses peuples écossais et anglais qui finalement ne s'aiment pas beaucoup hein, depuis des siècles et des siècles. Mais il a l'intention de les réunir. Il part de l'Écosse en faisant un discours très important qui va porter les Écossais pendant plusieurs années. Il leur promet qu'il les hissera au même niveau que l'Angleterre, que jamais il ne les laissera de côté, qu'il continuera à les gouverner par la plume, mais qu'il ne les abandonnera pas. Et de fait, il fait tout pour que l'Écosse soit au même niveau que l'Angleterre. Il est accompagné de beaucoup d'Écossais. Sa cour est composée de 40% d'Écossais. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Shakespeare et Ben Jonson commencent à écrire des pièces et des poèmes en roulant les airs pour faire plaisir au roi. Avant, on ne roulait pas les airs. Il demande à son parlement d'Angleterre et à son parlement d'Écosse de réfléchir à une première union, à un premier projet dès 1604. Les deux parlements refusent. Bon, il recommence en 1607 avec un petit peu plus de succès parce qu'il arrive avec des arguments un peu plus solides. Et là encore, ça ne marche pas. Mais un nouveau drapeau est créé. C'est ce fameux drapeau avec la croix de Saint-André et la croix de Saint-Georges qu'il met ensemble. Mais il y a une nuance là-dessus aussi. Ce drapeau est interdit dans les royaumes sur l'île, mais il est autorisé sur les navires commerciaux qui vont vers les Amériques. Pour bien différencier quand même qu'il s'agissait de l'économie des royaumes de Grande-Bretagne. Et c'est là donc que naît ce terme de Grande-Bretagne, qui est celui qui se réfère donc à l'île britannique, la Britannia, qui était le terme utilisé jusque sous Élisabeth. Mais le terme de Grande-Bretagne, désormais, n'est toujours pas officiel, hein, il n'a pas été validé par les parlements, mais il est utilisé pour faire plaisir au roi. Je parlais de l'Espagne tout à l'heure. À chaque fois que l'on essayait de satisfaire le roi, de l'avoir de son côté, on l'appelait au grand roi de la Grande-Bretagne, King of Great Britain. Bon, ce statut reste co jusqu'en 1707, où là, il y a donc union, non plus des couronnes, mais des parlements, de la monarchie. Il n'y a que l'Église qui n'est pas unie, et c'est pour ça que cette union, d'ailleurs, n'est pas totale. Mais c'est bien à cette date-là que l'on peut utiliser vraiment officiellement le terme de Grande-Bretagne. Terme d'ailleurs qui disparaîtra en 1800, parce qu'il y aura l'ajout de l'Irlande, et ça deviendra le Royaume-Uni. Ah ben voilà, alors 1707, ça y est, nous avons la Grande-Bretagne. Dès lors, nous pouvons sans souci utiliser Grande-Bretagne pour parler de l'île. Donc nous avons l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Et il faut attendre le tout début du 19e siècle pour avoir ce Royaume-Uni. C'est juste avec ce rajout de l'Irlande. C'est ainsi que s'écrit l'histoire. Mais Jean-François Dugnac, dans cette très longue histoire qui nous intéresse, nous avons le regard porté par les continentaux, ou au moins les Français, sur ce territoire, la perfide Albion, comme un territoire sans cesse isolé. Cet isolement se construit en fait énormément sur ce que les historiennes ont appelé la seconde guerre de Cent Ans. Alors ça nous en fait trois là maintenant, guerre de Cent Ans, mais c'est celle qui va jusqu'à la chute de Napoléon en 1815. Tout ce 18e siècle, début du 19e siècle, nous voyons ici une affirmation en fait de cette île, son autonomie. Oui, on va voir là effectivement la cristallisation de alors ce que certains appelleront la Britishness, notamment fondée sur différents critères qui vont être alors l'empire, l'insularité, le protestantisme. Mais on l'a vu, un protestantisme en réalité à géométrie variable selon qu'on soit écossais ou puritain ou anglican. Et donc on a là ces différents éléments et puis surtout la rivalité contre la France entre donc 1689 et 1815. Donc là effectivement il y a là la constitution d'une identité qui est aussi une identité contre, en partie, la France. En réalité, c'était pas tout le continent, mais la France et tout ce qu'elle peut représenter de volonté de monarchie universelle, de domination catholique ou ce genre de choses. Oui, parce que nous ne pouvons pas entrer dans le détail des jeux d'alliance qui vraiment participent sans cesse de cette très longue histoire. Et nous savons combien la Grande-Bretagne puis le Royaume-Uni sont partie prenante de tous ces jeux d'alliance. Nous avons commencé cette émission avec cette notion d'insularité, cette île qui au début n'était pas une île et qui aujourd'hui ne l'est plus. Une grande idée, un vieux projet, une réalisation toujours attendue, c'est le tunnel sous la Manche. Où en sont les plans actuels du tunnel sous la Manche? Quels avantages immédiats, quels obstacles éventuels comporterait l'exécution de ces plans? Monsieur Badevant. Déjà sous Napoléon, un de ses officiers du génie avait abordé le problème. On ne s'y est pas attardé, comme bien vous le pensez. D'ailleurs, la paix d'Amiens venait changer toute la question quelques années après. Mais après Thomas de Gamont, qui en 1860 a étudié le projet d'une façon très, très poussée, et il faut dire que la première fois où ce projet a été étudié d'une façon particulièrement efficace, et c'est lors des études que la Compagnie des chemins de fer du Nord a fait en 1875. Ah oui, c'est vieux, hein. C'était alors là en 1948 dans la Tribune de Paris où il était question du tunnel sous la Manche, le tunnel qui s'ouvre à la circulation en 1994, c'est bien loin. Dites-nous, Jean-François Dugnac, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à Sorbonne Université, vous avez écrit ce que sais-je, histoire de la Grande-Bretagne. Nous sentons cette histoire, cette évolution vers de plus en plus d'isolement, en tout cas tel que c'est affirmé, une spécificité. Est-ce que l'insularité est essentielle dans cette histoire-là ou est-ce oui, il y a insularité sans doute, mais bon, ça n'explique pas tout. La réalité, c'est ce qu'on appellerait, ce que les géographes appelleraient l'hypo-insularité, c'est-à-dire en fait une sous-insularité, c'est-à-dire que les échanges sont massifs et permanents avec le continent et l'ailleurs effectivement impérial pendant tout le 19e siècle. Mais quand on dit tout le 19e siècle, là encore, la phase impériale, elle dure moins de deux tiers de siècle en réalité, puisque jusque dans les années 1840-1850, l'Empire britannique lui-même, ça n'est pas grand-chose. Alors certes, entre 1870 et 1913, pour donner une idée, les investissements étrangers de la Grande-Bretagne vers l'Europe, c'est 10% seulement en valeur totale, alors que l'Empire, c'est plus de la moitié, c'est 56%. Donc on a là, clairement, une orientation impériale, mais une orientation impériale, une nouvelle fois, qui culmine dans les années 20 avec cet empire le plus grand de l'histoire, effectivement, un quart des terres émergées du globe et un quart des populations, c'est vrai, mais qui s'effondre littéralement après la Seconde Guerre mondiale. C'est une longue histoire. Sabrina Juillet-Garzon, maîtresse de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Paris-Nord, vous avez écrit l'Écosse, la différence. Eh bien, justement, en quelques mots, cette différence que nous avons évoquée depuis les Pictes antiques, nous la retrouvons aujourd'hui avec le Brexit. Tout à fait, oui, le Brexit, l'Écosse qui se déclare mécontente des résultats et de cette séparation avec l'Europe. Il faut rappeler qu'en juin 2016, 62% de la population écossaise a voté contre le Brexit. Actuellement, donc, nous attendons un potentiel référendum sur la possible indépendance de l'Écosse du Royaume-Uni. Donc, le Royaume peut être désuni, mais nous utiliserons toujours Grande-Bretagne parce que ça qualifiera l'île. L'attachement à l'Europe, en tout cas, est la raison principale de tout cela. Oui. Merci vivement à tous les deux de nous avoir parlé de cette très longue histoire. On a traversé des millénaires et c'était passionnant. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Qu'est-ce que l'histoire événementielle ? Quand j'étais étudiant, je me souviens que la querelle de l'histoire événementielle passionnait ceux d'entre nous qui s'intéressaient à l'épistémologie de l'histoire. L'expression était toujours utilisée dans un sens plutôt péjoratif, car aucun historien, à ma connaissance, ne revendiquait ce label. Cette querelle avait pris naissance à la fin du XIXe siècle, alimentée par un petit nombre de philosophes qui contestaient l'hégémonie de l'histoire dans le champ universitaire en affirmant que seule la sociologie qu'ils cherchaient à promouvoir méritait le titre de science. Dans un article publié en 1903, intitulé « Méthode historique et sciences sociales », François Simian, un élève d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, s'attaqua frontalement aux prétentions scientifiques des historiens en ironisant sur ce qu'il appelait les trois idoles de la tribu. L'idole politique, l'idole individuelle et l'idole chronologique. Sa critique visait le type d'histoire qui dominait alors la recherche et l'enseignement, focalisé sur le rôle des grands hommes et les péripéties de la vie politique ou diplomatique dans un cadre temporel centré sur la succession des règnes et des régimes. À l'encontre de cette histoire dite événementielle, Simian affirmait qu'il fallait écarter l'accidentel pour s'attacher au régulier, éliminer l'individuel pour étudier le social, entendu comme activité collective. Cette dispute, qui avait débuté sous la forme d'un conflit entre disciplines, affecta fortement la recherche historique à partir des années 1930, sous l'impulsion des Annales, la nouvelle revue fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre. Ce dernier prit ses distances avec l'histoire événementielle en inaugurant ce qu'on appelle l'histoire des mentalités, alors que Marc Bloch impulsa une histoire sociale comparative du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. La critique de l'histoire événementielle atteignit son paroxysme dans les deux décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Le marxisme ayant alors le vent en poupe, beaucoup de jeunes historiens de gauche furent séduits par l'histoire économique qu'Ernest Labrousse développait depuis la Sorbonne, fondée sur une exploitation rigoureuse des sources statistiques. À la même époque, Fernand Braudel, qui dirigeait l'institution de recherche qui s'appelle aujourd'hui l'École des hautes études en sciences sociales, rapprocha la recherche historique du courant structuraliste, alors à la mode dans le monde intellectuel. Sa critique de l'histoire événementielle s'appuyait sur une réflexion concernant les temps de l'histoire. Braudel fut l'un des grands spécialistes de ce qu'il appelait la longue durée, propre aux phénomènes géographiques ou économiques, situés dans la profondeur des sociétés, par opposition au temps court de la politique, typique selon lui des agitations de surface qui caractérisent notre actualité. Étant donné qu'en histoire aussi, chaque génération doit remettre en cause les acquis de la précédente pour justifier ses innovations, il n'est pas étonnant que le mouvement qui ébranla nos universités en mai 68 ait permis aux adeptes d'une nouvelle histoire d'annoncer le retour de l'événement afin de réhabiliter l'histoire politique. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Vudagène, Delecroix, Pauline Maragou, Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.